Voici quelques extraits d'Avis à la pétanque, publiés par René Domergue en 2012. Allez où? Escampe le bouchon! Ce tireur, il les agante toutes. De long, il estanque. L'autre pêcheur, il fait que les ganchous. Il s'embrouille sur tous les gratons. Ça me dévarie. Dans Avis et le bio, écrit René Domergue, j'ai rassemblé quelques 200 expressions méridionales sur le thème de la course cramargaise. Il a été possible d'en trouver autant dans le domaine des boules, plus précisément de la pétanque. Je vais vous proposer quelques-unes des expressions, tout en sachant, d'une part, que les habitués n'apprendront rien, mais auront plaisir peut-être à réentendre chanter leurs expressions favorites, et en espérant, d'autre part, que les non-initiés découvrent un langage qui leur ouvrira non seulement les portes de l'univers de la pétanque, mais aussi, bien souvent, quelques aspects de l'univers méridional en général. Après quelques généralités sur le jeu lui-même et sur quelques types de joueurs, je vous présenterai quelques expressions concernant le pointeur d'abord, le tireur ensuite.